Le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, s'est entretenu le 25 respectivement avec ses homologues chinois, norvégiens et birmans qui ont pris part à la conférence ministérielle du Forum de l'ASEAN encore au Laos. Il a tout d'abord relaté des réalisations obtenues par le peuple coréen dans l'édification d'une puissance socialiste sous la direction du maréchal Kim Jong-un, dirigeant suprême de notre parti et de notre État. Il a fait remarquer que la Corée s'efforce de préserver la paix et la sécurité de la région et du reste du monde par le potentiel de la puissance nucléaire. Aux entretiens, des opinions utiles ont été échangées pour développer les relations d'amitié et de coopération. Le ministre coréen des Affaires étrangères a aussi rencontré le ministre d'État du ministère des Affaires étrangères de l'Inde et le deuxième ministre des Affaires étrangères et du Commerce du Brunei.